Vous croyez qu'il va pleuvoir demain ? Je ne sais pas, mais j'aimerais qu'il pleuve. Il fait trop chaud. Les plantes souffrent. Moi, je préférerais qu'il fasse beau. Mes enfants arrivent demain. Je voudrais qu'ils prennent un peu le soleil. C'est le week-end du 1er mai. Il y aura du monde sur les routes. Il faudra qu'ils partent tôt. Oui, j'ai hâte qu'ils soient là. Je suis si contente qu'ils viennent me voir.